Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Alain Saintot pour les coulisses de l'insolite, comme tous les mardis de 10h à 11h. Alors cette émission aujourd'hui sera un petit peu plus courte pour des raisons personnelles. Comment ça va Alain ? Ça va, je suis en train de mettre de la pommade sur mes coups de soleil que j'ai attrapé lors de ma dédicace au Fort du Parmont. J'ai passé un agréable moment. Ah bah super. Alors aujourd'hui, on est dans votre émission Les Coulisses de l'Insolite. Je vous remercie de m'accompagner. Mais de rien, avec grand plaisir. Vous savez que je stresse. Je ne suis pas journaliste et donc je commence seulement cette émission et il y a des moments où je suis un peu perdu dans mes notes. Donc c'est pas grave. Merci de votre accompagnement. Il n'y a pas de souci. Alors, dans les coulisses de l'insolite aujourd'hui, Alain, vous nous avez préparé deux sujets. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Alors, deux sujets totalement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. C'est ça. Voilà. Et donc, le 10 avril, il y a 106 ans, qu'est-ce qui se passait ? Un grand événement dont toute la presse mondiale a parlé. Je ne sais pas, Alain. Je suis content. Alors moi, je vais vous le dire ce qui s'est passé. Il y a 106 ans, il s'est passé quelque chose d'incroyable qui paraît maintenant, vu la taille maintenant des bateaux que l'on fait actuellement, qui font 100 mètres de plus que celui dont je vais vous parler aujourd'hui. C'était la fameuse légende du Titanic. Ah, voilà. Et oui. Alors moi, je suis là pas pour parler forcément du Titanic et puis de tout, du luxe, de toutes ces boiseries, ces cabines première classe, tout le monde connaît ça par différents films. Mmh. On a fait quand même 14 films dessus. Ah oui. On a écrit 30 ouvrages. Le plus connu, naturellement, c'est de James Cameron, dernièrement, oui, ça fait déjà oui, un petit moment. D'années, hein, je crois. Alors moi, je suis simplement venu pour vous parler de ce... Parce que c'est un hommage à ces gens-là, il y a 106 ans, dans la nuit du 14 avril au 15 avril. Oui. Ils ont tous péri à 2h30 du matin dans l'eau glacée, avec un nombre assez impressionnant. Donc le Titanic a mis le cap pour New York le 10 avril 1912 avec 2223 passagers et membres d'équipage. Donc maintenant, on fait des bateaux beaucoup plus grands, des bateaux de croisière. Mais là, c'était vraiment un événement. Donc toute la gente bourgeoise, industrielle, voire aristocratique, anglaise notamment, française, puisqu'il avait commencé à partir de Cherbourg, et la gente aussi américaine qui rentrait aux Amériques ou aux États-Unis à l'époque, était là, donc avec trois niveaux différents, c'est-à-dire les premières classes, des gens très, très, très aisés, qui avaient des pouvoirs d'argent extraordinaires, donc qui nous laissaient entendre un service superbe. Et puis il y avait les deuxièmes classes, des gens de la bourgeoisie, avec un confort aussi très très bien. La troisième classe, on dit souvent, mais c'était une très belle troisième classe pour ce qui se faisait à l'époque, parce qu'avant, dans les bateaux, c'était des dortoirs pour les troisièmes classes. Là, on y allait et souvent, les troisièmes classes ne prenaient qu'un seul aller parce que c'était une crise en Irlande. Beaucoup d'Irlandais allaient émigrer aux États-Unis. D'accord. Donc, avec toute la famille, ils pouvaient avoir une cabine au moins de 6 avec les enfants et tout ça. Donc, d'accord. Avec une salle pour faire des bals et autres. Donc, voilà. Donc, le Titanic avait déjà très mal commencé. Sa construction a duré 26 mois. 26 mois de construction. On n'en parle jamais, mais pendant cette construction, on a dû faire face à 10 décès d'ouvriers, d'accidents du travail, des choses un peu étonnantes, des concours de circonstances, normalement des accidents qui n'auraient pas dû être, et surtout 236 blessés. D'accord. Pendant la construction. Voilà. Donc c'était déjà... au niveau du milieu maritime des chantiers navals, c'était déjà quelque chose d'assez lourd à porter. Et un autre, ça c'est quand même avant qu'ils ne partent, avant justement de partir, normalement, on souhaite un bon départ au premier voyage d'un grand bateau. Alors, le bateau part avec tous ses voyageurs et tous les bateaux du port doivent lui souhaiter un bon voyage en allumant leur sirène. Mais tout le monde était tellement, ébahi par la grosseur du Titanic, les vagues qu'il provoquait sur les bords, qu'aucune sirène n'est mis un son. Et ça, c'était déjà très prémonitoire, c'était déjà un signe assez funeste. D'accord. Donc, la vie du Titanic se déroule, comme on voit dans le dernier film de James Cameron. Donc, c'est vrai, il y avait des trésors. Mais bon, moi, je vais vous parler des petites choses que, je pense, vous ne connaissez pas ou très peu. Donc, on dit, j'ai regardé dans mes fiches, signe prémonitoire, théorie du complot, colère divine... Donc c'est un mystère sur les naufrages du Titanic et ses victimes. Le Titanic a généré pendant un siècle des légendes et des autres bizarreries sur des petits récits que je vais vous raconter aujourd'hui. Notamment aussi, encore avant de partir, un écrivain, une étrange coïncidence, a fait un rêve prémonitoire en 1898. Après, il s'appelait Morgan Robinson. Et il a écrit un roman qui s'appelait Futili. Le scénario de son roman, c'est 12 ans, 14 ans avant, le scénario, c'était un grand bateau qui s'appelait Le Titan, qui sombre après avoir heurté justement un iceberg. Et il décrit dans son ouvrage ce bateau comme le plus grand, le plus rapide, le plus luxueux, mais aussi le plus solide des navires de son époque, donc insubmersif, comme la légende nous laissait entendre sur le Titanic. Alors, du haut de son pédestal, il ira jusqu'à saborder un autre navire, ce qui n'est pas arrivé au Titanic, avant de rencontrer l'iceberg. Mais comme le Titanic, le Titan, dans le roman, dispose d'un nombre réduit de canots de sauvetage, et seule la moitié des 2000 passagers, coïncidence aussi, y trouvera refuge. Les similitudes sont telles qu'elles inspirent des théories à la limite de la métaphysique, et le livre sera réédité de nombreuses fois après le naufrage. Alors là, je vais vous parler de petites choses qui se passaient dans le Titanic, qu'on a retrouvées quand même dans des carnets de journaux intimes, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, naturellement, pas sur le carnet de bord du capitaine. Il y a plusieurs, notamment en première classe, plusieurs clients qui n'arrivaient pas à dormir. Plusieurs voyageurs furent aussi atteints d'étranges symptômes avant le naufrage du Titanic. Donc, on rapporte que pendant la traversée, notamment la comtesse de Chutos avait vraiment peine à trouver le sommeil. Sa cabine était empreinte, selon elle, d'une odeur de mort, lui rappelant une grotte d'un glacier qu'elle avait visitée quelques années plus tôt. Rescapée, elle a pu monter dans les canots, surtout en première classe, en tant que femme notamment aussi. Elle racontera que cette odeur ne l'a jamais plus quittée. Durant la traversée, enfin, on rapporte aussi plusieurs malaises généraux quand l'orchestre du navire s'est mis à jouer un extrait des contes d'Hoffmann. Donc en pleine nuit glaciale, on donnait des balles. Et là, 24 heures avant, beaucoup de femmes ont eu des syncopes, sont tombées. Oui. On ne sait pas pourquoi, c'est inexplicable. Et tous ces événements étaient rapportés dans un petit journal de Laurence Bisley, un survivant justement, ayant raconté son histoire aussi lui-même dans un livre. Par contre, la légende la plus folle sur la cargaison du Titanic est sans conteste celle de la momie. Alors, fait est dit, il y avait naturellement, je pense que dans le film, on en entend parler, mais c'est vrai que le milliardaire, quand même, John Astor IV, puisque c'est une sorte de dynastie industrielle américaine, donc le passager le plus riche du bateau, alors en plein voyage de noces, ce qui faisait un scandale, je vous dirai après c'est pourquoi, aurait en outre provoqué, donc, malgré lui, une malédiction infligé par les dieux d'Égypte. Le fantasme est inspiré de la sulfureuse réputation d'Astor, parce que c'était quelqu'un qui se permettait tout, puisqu'il en avait les moyens. Et il était milliardaire, intellectuel, colonel de l'armée américaine. Et là, il effectue, sur le Titanic, son voyage de noces avec Madeleine Force, sa seconde épouse, de 17 ans. Voilà le scandale, le gros scandale qui gérait. Mais il était tellement riche qu'on n'osait pas lui dire en face, mais on lui tournait le dos quand même. D'accord. Parce que sa femme était, enfin, son, Son ex-femme. Son ex-femme l'attendait avec ses deux fils à New York, où il devait arriver deux jours après. On parle justement de ce monsieur qui est mort avec digne d'un aristocrate anglais, hein, tout en ayant, entre guillemets, une éducation américaine. Lord Astor a demandé, donc il a mis sa femme dans un canot, cette jeune femme, elle était enceinte, hein, aussi. Il l'a mise dans un canot, ils étaient en plein bal, il était en smoking. Il est retourné dans les salons de première classe. Il s'est installé. Il a demandé au steward un cognac. D'accord. De son année de naissance, puisqu'on pouvait tout trouver sur le Titanic. Et il a demandé, vous savez quoi ? Ces deux chiens. Il y avait un chenil qui appartenait qu'aux premières classes. Et il a demandé ces deux grands lévriers, des barzoïs. Et les deux barzoïs n'ont absolument pas paniqué. Et ils se sont mis chacun du côté de son maître, et c'est référencé par un steward qui a fait aussi un carnet de bord quelques temps après. Donc voilà la fin, la tragique fin de Lord Astor, qui avait quand même une sacrée aristocratie. Eh bien, dis donc. Et puis plein de petites choses aussi, donc il y a des femmes, les femmes qui étaient prioritaires dans les canots de sauvetage vont souvent devenir des veuves et des orphelins après le naufrage du Titanic. Beaucoup de maris ou de pères ayant péri dans l'Atlantique, mais certains orphelins feront parler plus que d'autres. L'incroyable histoire de deux petits orphelins, Louis et Lolo, a marqué le monde entier de la presse. Parce qu'on apprenait les choses souvent 24 heures ou 48 heures après. Ils ont embarqué avec, sur le Titanic, donc le 10 avril 1912, avec leur père, soi-disant Louis Hoffman. Ce dernier parviendra à les mettre, avant de rester dans le bateau lui-même, il arrive à mettre ses enfants dans un des derniers canots de sauvetage, qui était à peine rempli. Et à terre, les deux enfants n'avaient plus de parents, donc ils émeuvent la presse entière et un comité de soutien a se créé. Mais très vite, leur vraie identité découverte. Et en fin de compte, ils s'appellent Michel et Edmond Navratil. Et ils avaient été en réalité enlevés par leur père, qui s'était sauvé avec ses enfants pour fuir sa femme parce qu'il était en plein divorce. D'accord. Voilà. Donc ils ont retrouvé leur maman. Ils ont retrouvé leur maman 3 mois après. Oh, ouais. Ça c'est une belle fin quand même pour eux. Malgré leur faux nom, ouais. Et donc il y a plein de petites choses. Il y a un autre orphelin, l'autre orphelin du Titanic qui n'a pas de nom. Il s'agit d'un corps d'un enfant de 2 ans, réchappé, repêché, je veux dire, parce qu'il y avait tellement de morts autour des eaux glaciales qu'on mettait des étiquettes d'abord. D'accord. Sur les corps qui restaient flottants, puisque tout le monde avait au moins, enfin, beaucoup avaient un gilet de sauvetage, voilà, oui. Et donc, il y a un pauvre petit bébé, donc on pense d'abord à une famille d'immigrés suédois, mais rien ne pourra le confirmer. L'enfant, donc, enterré à Halifax, où a été enterré la plupart des victimes seulement retrouvées du Titanic. Et beaucoup de familles ont participé justement aux frais d'inhumation de ces gens-là. Et puis, selon des témoignages concordants, tous les survivants du Titanic ont eu quand même des séquelles psychologiques après. Mmh. Ils ont tous été marqués par la tragédie au point d'être hantés par le navire jusqu'à la fin de leur jour. Selon un psychiatre, Philip Manson, auteur du drame du Titanic, ceci constitue même un groupe à part. Une association qui voit les PAF comme un sanctuaire intouchable. Certains, comme Bruce Ismay, donc le directeur de la White Star, qui était donc le directeur de la construction du Titanic, ou Lord Gordon aussi, connaîtront l'opprobre, c'est-à-dire leur réputation avait été entachée, puisqu'en plus, ils ont été sauvés. Ils sont montés dans des canots. Et ils ont été mis vraiment à l'écart de la société pour leur responsabilité et leur comportement lors du naufrage. Certains, beaucoup même, se sont retirés de la vie publique, incapables de vivre normalement après la mort de centaines de passagers sous leurs yeux. Impossible de regarder la mer aussi, impossible de revoir un bateau. Les plus marqués finiront par se suicider quand même. Il y a eu beaucoup de suicides après, comme le pasteur Cook en 1939, ou le veilleur de nuit Fred Fleet en 1965. Tous ceux-ci qui ont approché de près ou de loin de Titanic ont pu un jour craindre la malédiction. Et la famille du capitaine Smith, qu'on connaît, qui est mort sur son bateau, en sera l'illustration parce que pendant des années, on les a mis vraiment au banc de la société. Il y a aussi le cri terrible, une actrice qui était présente lors du sauvetage, puisqu'elle était sauvée, s'appelait Dorothy Gibson. Elle mentionne dans la presse qu'elle était donc déjà une célébrité, et quelques semaines plus tard, à peine, elle eut le premier rôle dans le premier film sur le désastre. Elle rentrait de vacances d'Europe avec sa mère, elle était sauvée avec celle-ci. Et elle raconte « Je n'oublierai jamais le cri terrible que les personnes jetées à la mer et celles effrayées pour leurs proches poussaient. » Et puis, il y a aussi une petite histoire. Il y a une histoire d'un bébé de 2 mois qui a été mis dans un sac postal. C'est Mademoiselle Milina Dean, à 2 mois. Et vous savez quand est-ce qu'elle est décédée ? À 98 ans, le 31 mai 2009. D'accord. C'est impressionnant quand même. Oui, oui. Naturellement, elle se souvenait de rien quand on lui posait ce genre de questions. Donc, le Titanic a généré énormément de légendes. Je pourrais vous en raconter. On aurait pu faire une émission entière dessus. Mais je voulais surtout pas qu'on oublie ces gens-là qui sont morts quand même dans des conditions atroces, mais qui avaient choqué entièrement la planète. Et qui a montré quand même, l'ambition d'un industriel aux dépens de la sécurité et qui a entraîné plusieurs centaines de morts. Et oui, un drame tragique. Voilà. Donc après, nous allons passer à un autre sujet. Oui, on va déjà faire une petite pause musicale au milieu. Merci Alain pour les coulisses sur ce drame qui a été le Titanic. Alors on écoute My Heart Will Go On de Céline Dion un petit peu pour rendre hommage à ce Titanic et surtout à tous ses passagers. Et on se retrouve juste après pour votre deuxième sujet. À tout de suite. Go on. Nous sommes de retour avec Alain pour les coulisses de l'insolite. Alors, tout de suite, Alain, on passe à un deuxième sujet, les énigmes de Rennes-le-Château. Voilà. Alors, dites-nous tout. Totalement différent du premier sujet. C'est vrai. Donc, on est dans l'Aude, là. Donc, vous savez, je ne suis pas très aventurier, mais quand je pars, je profite et je me nourris de tous les endroits où je suis. Oui. Surtout des endroits naturellement insolites. J'ai un carnet de voyage comme Indiana Jones, vous savez. Oui, ça, oui. C'est chouette. Ouais. Couverture de cuir avec des pages en parchemin, des lanières de cuir. Et je suis bien content parce que dans notre dernière émission sur l'Égypte, j'avais fait exactement la même chose et je m'y réfère actuellement avant de venir à l'émission. Ah bah c'est super. Alors là, j'avais envie de parler parce que, bon, bah, il fait pas très beau. Hein, là. Non, il fait pas très beau, non. C'est le cas de le dire. Alors par contre, là-bas, en été, je suis allé, donc il fait très chaud. C'est autour de Carcassonne, donc c'est les châteaux cathares. D'accord. Le catharisme, donc... Alors, qu'est-ce que le catharisme ? Le catharisme, c'est difficile d'en parler. Ce n'est pas une religion pour moi, après l'avoir un peu étudié. D'accord. C'est surtout une philosophie. Une philosophie qui a engendré et qui a mis en danger surtout l'Église catholique. D'accord. Et donc, moi je pratique l'œcuménisme, c'est-à-dire la tolérance de tout le monde pour tout le monde. Oui. Et donc cette religion n'existe plus, enfin cette philosophie, moi je dirais plutôt, elle se rapproche assez du bouddhisme. Et le catharisme, c'est, juste pour quelques exemples, pour situer, c'était des gens... alors, c'est arrivé du Nord, ce n'est pas resté sur le milieu de la France, hein. C'est descendu dans le Languedoc. D'accord. Et dans le reste de la France, on parlait le vulgaire, ou on commençait à parler le latin, mais là, on a commencé à parler la langue d'Occitanie, donc le Languedoc. D'accord. Voilà. D'où le rapprochement, c'est que le catharisme, parce que c'est quelque chose de très pur, c'était vraiment... Bon, quelques exemples. Il fallait être un bon homme ou une bonne femme. C'était l'appellation. Après avoir eu le baptême par un évêque cathare, qui s'appelait le Consolamentum. D'accord. Et pour ça, il fallait 2 ans de noviciat, si on peut dire, mais dans la vie civile, hein, dans vos relations quotidiennes. Et moi, ça me faisait un peu rêver parce que, bon, il y avait des... Alors, c'était des gens qui n'avaient absolument pas le droit de se défendre si on les attaquait. Ils ne possédaient absolument pas d'armes. Ils étaient pacifiques. Pacifiques au possible, ouais. Ensuite, c'était des gens qui se nourrissaient de poissons, de volailles, mais absolument pas d'autres viandes. Tout ce qui est bœuf, tout ce qui est viande à sabot. D'accord. Et ensuite, il y avait une tolérance de relations entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mariage obligé dans un couple. C'est-à-dire qu'il fallait montrer l'amour, avoir des enfants, mais pas forcément se marier. Ah ben dis donc, c'était innovateur à l'époque. Oui, c'était assez innovateur, c'était vers le 12e, 13e siècle, hein, 1200 et quelques. Et c'était quelque chose, je trouve, qui est presque actuel. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Pourquoi ça a disparu, vous savez ? Alors voilà, ça a disparu parce que ça a fait beaucoup d'émules et on a, en quelques années, eu beaucoup d'adhérents au catharisme. Forcément. Autant des gens, surtout avec l'exemple de l'Église catholique. Je fais le procès de personne, mais je dis les choses... Ce sont des faits. Ce sont des faits avérés, voilà, c'est ça. Et donc, ce qui se passait dans l'Église catholique, c'était aberrant, quoi, puisque c'était, les cardinaux, c'était des dynasties. On donnait sa place à son fils, donc on connaît quand même les règles de l'Église catholique. On vivait dans l'or, on vivait portes fermées dans des couvents et des cathédrales recouvertes de peintures, de fresques, d'architecture magnifique. Et on laissait mourir les pauvres gens. Alors on avait tous nos pauvres moines, cisterciens et autres qui aidaient, mais tous ces grands représentants de l'Église catholique étaient dans un luxe incomparable. Et ça, le peuple ne pouvait pas le supporter. Il vivait dans une misère terrible, des famines, des guerres, la peste et autres. Et le catharisme s'est installé dans cette région du Languedoc. Carcassonne, Toulouse, puisque le comte de Toulouse est devenu Qatar aussi. D'accord. Et donc, l'avantage pour les Qatars, c'est que autant les nobles que le petit peuple, entre guillemets, adhéraient au qatarisme. D'accord. Et pouvaient transmettre à leur mort leur patrimoine. Donc, ce patrimoine devenait de plus en plus important et donnait une puissance en 40 ans énorme au niveau de l'Église catholique. Et là, il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu deux ou trois, ça a duré 90 ans, l'inquisition contre les Qatars. Donc le pape a dit, il n'avait pas les moyens de monter une armée, donc il a simplement sonné le signal d'alarme et il a dit, écoutez, combattez le qatarisme, montez des armées, je ne vous les financerai pas. Le seul tribut que vous pourrez avoir, c'est ce que vous leur prendrez. Eh ben, non. Donc en 90 ans, on a éradiqué totalement les Qatars. Donc toutes les armées, dont le plus grand général, qui a provoqué cet holocauste, Simon de Montfort, ils y sont allés, ils ont torturé, ils ont débûché, encore débûché, hein, comme nos sorcières ici, oui. Comme les Templiers. On éradique tout le temps par le feu. Et ils y sont allés et ils ont vraiment fait des choses horribles. Alors, les Qatars se sont protégés dans les citadelles. D'accord. Les citadelles, c'est des magnifiques châteaux. Ah oui. Les citadelles du ciel, on appelle. Je les ai tous visités. Waouh. Ouais, sac à dos. Et à un moment, j'ai un ami qui doit nous écouter, je pense, parce qu'il était avec moi. Lui, il est resté en bas, dans la voiture, il faisait 50 degrés. Ah oui. Ouais, 50 degrés. C'était en plein mois d'août et je suis quand même monté, c'était aux Trois Châteaux La Tour. D'accord. Et il y avait, c'est des sites superbes. Et en plus, il y a une solitude qui règne, et vous avez l'impression qu'on vous parle. Et là, il y avait une équipe d'archéologues qui était en train de déterrer, avec beaucoup de respect, la tombe d'une princesse celte. D'accord. Ouais, waouh. Ouais, je suis resté sans le savoir 4 heures. Oui. Donc cet ami qui était en bas, il a failli appeler la gendarmerie. Le pauvre. Je suis descendu, j'étais trempé. C'était magnifique. Alors j'ai fait aussi la visite de Perpertus. C'est une citadelle énorme. C'est un vaisseau de pierre. Hein. C'est deux châteaux en un qui se retrouvent par des chemins rocailleux. Ils étaient obligés de se protéger les Qatars, donc avoir des endroits inaccessibles pour les armées du pape. C'est eux qui les construisaient, ces citadelles ? Oui, c'est eux qui les construisaient. Wow. Oui, à dos d'âne, notamment, à dos d'homme. Et ils les construisaient. Et après, on fera une autre émission là-dessus, parce que ça a été construit un peu comme l'Égypte, avec des cartes de nuit du D'accord. ciel, avec le placement des étoiles, et notamment le dernier château qui a tenu le coup, qui a été détruit dans une fin tragique en 1244, au pré-Crama. Même Hitler s'y est intéressé. Ah oui. Ah oui. Il paraît qu'il y a un pouvoir, et on attend le 21 juin, à travers un restant de vitrail, c'est-à-dire il n'y a plus le vitrail, il y a la fenêtre en ogive, oui. Le soleil, depuis 8 siècles, passe à telle heure, au solstice d'été, à travers cette wow. fenêtre-là. Oui, c'est assez prodigieux quand même. Interdit de monter quand il pleut, tellement D'accord. c'est dangereux quand oui. même, hein. Et puis j'ai visité Puy-Laurence. Alors Puy-Laurence, on y accède par des paliers. C'est des grands escaliers à dos d'âne, c'est-à-dire qu'on pouvait rester sur son âne. Et les escaliers étaient étudiés en fonction de la longueur du pas de D'accord. l'âne, vous voyez. Donc c'est pas trop épuisant, mais moi je conseille d'y aller très tôt le matin parce que dans l'Aude il fait très très chaud, dès midi c'est insupportable. D'accord. Ensuite, Quéribus. Alors Quéribus, c'est superbe. C'est un magnifique château qui est dans les hauteurs. Et à l'intérieur, vous avez un pilier qui est en forme de palmier. Et c'était déjà une architecture byzantine qui arrivait. D'accord. Qui arrivait dans nos pays. Nous, on était en plein art roman. Eh ben. Et donc, une influence mauresque déjà qui s'installait dans ce pays, puisque on n'est pas très loin de Narbonne, on n'est pas très loin des ports de la Méditerranée. Et puis moi, je suis tombé amoureux d'un endroit. Et ça, c'est mon préféré. C'est pas du tout le plus impressionnant. C'est le château de Puyvert. Donc, après, vous pouvez faire vos recherches sur Internet. Notamment, le château de Puyvert m'intéresse parce que il a une histoire particulière, déjà moderne. C'est-à-dire que, déjà, je m'étais intéressé à un film, puisque c'est insolite, un film insolite, avec Johnny Depp. Je ne sais pas s'il vous dit quelque chose, c'est La Septième Porte. Ah oui, ça me dit quelque chose. De Roman Polanski. Oui. Ouais. C'est un film, je vous le conseille à tous, ceux qui aiment le thriller, a le temps, hein, ça ne fait pas peur, hein, mais c'est quand même... à la recherche d'une Bible qui était imprimée à Venise, et après, en réunissant toutes les gravures de cette Bible, imprimée par un certain imprimeur de Venise en 1500 et quelques, il fallait être à une telle date, à une telle heure, au château de Puyvert, pour pouvoir être être en relation directement avec le diable. Ah, oh, oula. Voilà, oui. Alors, à Puyvert, vous avez aussi un très beau musée. Ils ont tout reconstruit. Alors, il faut que je parle du propriétaire parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un grand, ça fait 40, 50 ans, un grand avocat parisien. D'accord. Comme moi, qui est arrivé un jour à cheval, là. On peut se promener à cheval. Oui. Là, hein. Et donc, c'est un endroit. Vous arrivez, on a l'impression d'arriver devant un château fort. Wow. On passe le pont. On entend les pas de son cheval qui résonnent dans les douves. On passe la herse. Et là, vous arrivez dans une énorme cour de tournois. D'accord. Entièrement gazonnée. Wow. Et entourée de tours et de remparts, pas très hauts. Et on a l'impression de faire un retour en arrière, comme c'est pas permis. Oui. Donc il y a aussi la légende de la fée blanche. Bon, ça, je vais pas tout vous raconter aujourd'hui. Et ce château-là a été racheté par un avocat qui est tombé comme moi amoureux de cet endroit. Et oui. Il a quitté son étude et a vendu son étude parisienne. Et là, ça fait la deuxième génération. À titre privé, c'est le seul château Qatar privé qui existe encore. Les autres sont ouverts au public mais appartenant à l'État. Donc privé, et il fait face aux frais lui-même. Alors donc on a droit pendant la période estivale de juillet et août à des choses superbes, c'est-à-dire le soir vous revenez, moi je vous raconterai aussi l'hôtel où j'étais, assez original, tout est original là-bas. Enfin, chaque fois que je vais quelque part, c'est je sais pas, je dois être guidé. Il faut me suivre, hein. Donc ouais, j'ai la chance, j'ai un ami qui il me pose pas de questions. Quand c'est trop fatigant, il reste dans la voiture et moi je prends mon sac à dos et j'y vais. Quoi. Ah ben voilà. Ah, puis je raconte. Un bon compromis. Ouais. Alors donc là, on a fait les premières cours d'amour. Amour. Les premières cours d'amour, donc pas en langue vulgaire ni en latin, mais en langue doc. Oui. Voilà, c'était les premières cours d'amour, les troubadours, d'accord, les ménestrels, étaient reçus par le comte de Toulouse, donc pas très loin. Et là est reproduit en période estivale au mois d'août des cours d'amour, des ménestrels, des lanceurs de feu. Wow. Alors moi perso je suis cavalier aussi, vous oui, le savez, oui, oui. J'ai fait partie d'une école de spectacle pendant un an, le Ménil de Saint-Michel à Flavigny, donc pour gérer mon frison qui était assez fougueux. Et je sais ce que c'est que faire de la voltige, parce que moi j'en fais pas de voltige, hein. J'ai mis cette galop de dressage, oui. Mais voltige, j'ai quand même 58 ans maintenant, c'est impressionnant. Hein. Oui. Vous avez déjà vu des de loin. Quand ils passent en dessous, quand ils montent à la Cosaque et oui. Tout ça, voilà, donc on fait ça. Mais en même temps, ils font des tournois avec des grandes lances, comme dans beaucoup de châteaux, hein, puisque je fais partie de l'association de beaucoup de châteaux qui essayent de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens, leur propre énergie et par beaucoup de bénévoles. Et là, vous avez un musée de la musique qui regroupe tous les instruments de musique du 11e, 12e, 13e siècle, wow. Avec des noms qu'on ne connaît absolument plus. Mais existait déjà, mettons, l'orgue, oui. Portable. Waouh. Voilà, ouais. La lyre était là, la mandoline était là, et puis d'autres noms un peu plus savants que je n'ai pas pris avec moi. Et tout ça pour dire que j'étais dans un hôtel qui était à Alette-les-Bains, juste à côté, ville thermale. Et c'est un hôtel déjà, hein. Ça parle de lui-même, il s'appelle l'Évêché. D'accord. Pourquoi il s'appelle l'Évêché ? Parce que c'était l'ancien évêché. D'accord. L'ancien évêché, donc c'était c'est un endroit superbe. Si vous voulez visiter les châteaux cathares, aller à cet hôtel, c'est des prix très raisonnables. Un parc superbe avec des marronniers tricentenaires. Wow. Comme il fait chaud toute la journée, le soir, on mange tous en terrasse sous ces marronniers, quoi. Oui. Et on vit après, les chambres sont dans des, je dirais pas des cellules, mais des chambres assez simples d'anciens séminaristes. D'accord. Voilà. Après, petit déjeuner, pas de déjeuner. Tout le monde part en vadrouille et dîner le soir avec des ménestrels. J'ai rencontré un grand écrivain qui est décédé maintenant, hein, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait Pierre Nodin. D'accord. Il a écrit et il prenait un appartement là, une suite, et il écrivait ses romans là-bas qui sont totalement influencés par l'esprit cathare. Et il écrivait là-bas donc pendant 3 mois avec sa femme. Waouh. Ouais. Ah oui. Alors le soir, naturellement, on se lâche parce que le midi, on n'a pas trop mangé, il faisait tellement chaud. Alors naturellement, ça se termine avec un cassoulet, avec un verre, je dirais même, des fois, une bouteille à deux, du bon vin de Languedoc blanc. Oui. Vous n'avez pas très loin l'abbaye de Fontfroide, qui est magnifique, mais vraiment superbe. C'est d'une pureté, vous avez un chœur, vous avez un cloître, vous avez... et le propriétaire... est décédé il y a 2-3 mois. Ah. Donc, ses héritiers vont tenir quand même la route, quoi. Elle est superbe. Et tout ça, j'ai toujours pas abordé le sujet. Non, bah oui, alors. Alors là, où est-elle cette énigme? Oui, mais quand on commence à parler quelque chose, c'est vrai, il y a tellement de choses à dire. On voyage avec vous, alors. Ouais. J'espère que ça vous passionne. Ah oui, moi ça me passionne. Voilà, donc en fin de compte, le catharisme, voilà. Donc on a hérité pour faire quoi? Maintenant, on va faire la fin du catharisme, un peu précipité. Donc, pendant 90 ans, des massacres, des tortures dans toutes les familles, hein, les familles nobles et les familles du peuple, entre guillemets, toujours. Et, parce que c'est des gens qui croyaient tellement en leur philosophie, ils ne se défendaient pas, oui. Hein, puisqu'ils étaient pacifistes. Ils allaient dans leur forteresse, leur citadelle, et ils subissaient souvent un siège qui durait 1 an, 2 ans. D'accord. Et à la fin du siège, on leur demandait, on leur disait soi-disant, vous avez le choix, vous abjurez votre foi ou vous montez sur le bûcher. Et notamment, la grande inquisition cathare s'est terminée en 1244, je dis le pré-crama, donc c'est un pré avec un gros rocher en bas du fameux château de Montségu. Et là, nobles et petites gens, 122 personnes, je crois, on leur a demandé d'abjurer leur foi et ils n'ont pas voulu. Ils sont tous montés en chantant sur le bûcher. Oh là là. Même pas les mains liées. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle le pré-crama. D'accord. Ouais, c'est assez impressionnant. Et on ressent les âmes, on ressent tout ça quand on visite ces pierres-là. Oui, c'est des pierres qui sont imbibées... Imbibé d'histoire. Alors naturellement, vous avez plein de belles petites chapelles. Alors moi, en plus, je venais vous parler parce que là, un jour, on me dit, Monsieur Pierre Nodin, fameux écrivain, vous connaissez Rennes-le-Château ? Je dis, non, je ne connais pas Rennes-le-Château, mais dites-moi. Eh bien voilà, on a installé là-bas un curé en 1885 et il a trouvé un trésor. Et il a fait du village qui était totalement abandonné une sorte de petit paradis avec des constructions voire féeriques pour l'époque, hein, c'est-à-dire. Donc il a été installé là-haut parce que il était on était sous la République et il était assez royaliste. Ah. Donc puni dans une église complètement désaffectée, il arrive dans le village. Il ne trouve même pas de quoi se loger. La cure était totalement éventrée de sa toiture. Il a quand même trouvé une servante, Marie Bernardo, qui l'a servi vraiment jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Et là, il s'est posé beaucoup de questions sur le fameux prêtre, l'abbé Saunière. donc à Rennes-le-Château, autour de, dans les environs de Toulouse, parce qu'il est arrivé avec des revenus fort modestes, mais quelques années plus tard, à la curiosité générale, il semblait disposer brusquement d'une énorme fortune. Donc lors de sa nomination, Béranger Saunière a 33 ans. C'est un jeune homme au physique agréable. C'était 2 mètres de haut. C'était... Ah oui. Ouais, ouais. Oula. C'était... La gente féminine était... Subjuguée. Exactement. Mais il avait la soutane. Hein. Et voilà. Donc au début, il a été quand même assez fidèle à ses vœux. Puis après... Il s'est éparpillé. Oui, si on peut dire. Surtout pour une femme, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, quand il est arrivé, il était très colérique. Il a vu cette église, il n'y avait plus aucun catholique, il n'y avait personne ne venait. Il avait un maire qui était récalcitrant. Et donc, il a tout fait et il a commencé des travaux avec sa petite pension pour rénover l'église de Rennes-le-Château, qui était vraiment très modeste. Et là, il a fait des découvertes. Ah. Ouais. Il s'est enfermé un jour dans l'église. Il a enlevé les deux. Il a demandé aux deux ouvriers qui l'accompagnaient de partir. Et là, il a trouvé sous l'autel une grosse pierre tombale. Et dedans, il y avait des rouleaux, des rouleaux de parchemin. Et on les a revus, mais on ne les a pas tous vus. Et écriture visigothique, d'accord, donc assez ancienne. Donc, le jeune curé s'est rendu à Paris pour y faire déchiffrer ses parchemins. Il y a rencontré un érudit, l'abbé Biel, directeur spirituel de Saint-Sulpice. Ce qui est bizarre, tout ce que je vous dis, vous pouvez retrouver tout ça dans un fameux roman, oui, de Dan Brown, c'est-à-dire le Da Vinci Code. Ah oui, voilà. Il me semblait bien que ça me disait quelque exactement, chose. Exactement, ouais. Et donc, il semble avoir trouvé dans ses documents des références à Dagobert, roi mérovingien, et à Sion, donc Sion de Jérusalem. Et donc, il passe en plus une partie au Louvre. Ouais, c'est vrai qu'il achète trois tableaux. Il y en a un que j'adore. Oui. C'est les Bergers d'Arcadie. C'est de Poussin, Nicolas Poussin. Il est au Louvre. Il a fait faire une copie. Et moi-même, j'ai acheté la carte postale. Et en fin de compte, on voit le paysage qui se trouve derrière son église, dans le tableau de Nicolas Poussin, qui indique une inscription, oui, et qui normalement indiquerait l'emplacement d'un trésor. Ah. Alors, donc, mais ça n'a jamais été résolu. Et donc, il a aussi acheté le portrait de saint Antoine de David Teniers, donc, et le portrait du pape Célestin V. Et enfin, voilà, il a fauté, comme il était riche, il a fauté et il est tombé amoureux d'une grande amie, une chanteuse lyrique, Emma Calvé. Ah. C'est une grande chanteuse lyrique, oui, de l'époque, qui avait une forte notoriété sur Paris, mais qui descendait, qui a acheté... apparemment, on dit que c'est lui qui lui a acheté le château d'à côté. Ah. Voilà. Où il trouvait son argent. Eh oui, c'est ça. Alors, le soir, il paraît, quand tout le monde... tout le monde dormait, il partait la nuit. Et, il s'arrangeait pour qu'on ne le suive pas. Et il revenait souvent épuisé, chargé. Et après, il repartait dans des endroits et avec certaines disponibilités pécuniaires. D'accord. Donc on ne sait pas s'il avait trouvé des objets précieux, s'il allait les vendre quelque part. Mais en attendant, il a fait construire une magnifique... église, donc, qui est toujours actuelle. Et à l'entrée de cette église, il y a un énorme diable qui est courbé avec un bénitier représentant la coquille d'une coquille Saint-Jacques. D'accord. Et c'est comme s'il avait asservi le diable parce que c'est marqué en latin. Donc, quand on rentre dans une église, qu'on est catholique, oui, pratiquant, oui, on fait le signe de croix avec l'eau bénite. C'est ça. Et donc au-dessus de ce bénitier est marqué, par ce signe, tu vaincras. Oula. Voilà. Alors donc, ce jeune curé, est-ce qu'il a trouvé un trésor, comme beaucoup l'affirment? Il n'en dira jamais rien à personne, sauf peut-être à sa servante, Marie d'Hernano, mais tout porte à croire qu'il a bien découvert une abondante source de revenus, parce que du jour au lendemain, il dépense sans compter. Il a entrepris la construction d'une villa Renaissance que j'ai visitée, avec un magnifique jardin d'hiver. Il achète des terrains et réaménage complètement l'église à ses frais. Il fait construire une ménagerie. Il fait construire la tour Magdala, qui est une magnifique bibliothèque qui domine toute la vallée du Razès. D'accord. Et avec des premières éditions. Et ça, il fallait vraiment avoir les moyens. Après, il a des visiteurs prestigieux. Il a le comte de Chambord. Il a des membres de la famille de Habsbourg. Et tout ça, ça ne plaît pas à l'évêque. Ah ben non. Donc, l'évêque le destitue, et voire l'excommunie. Donc, il avait amené une certaine aisance, puisque ça faisait vivre aussi tous les gens du village. Mais même excommunié, on lui avait interdit l'entrée de son église. Mmh. Il donnait ses messes, et il y a vraiment la chapelle dans sa propriété. Il donnait ses messes à ses ouailles dans sa propriété. Eh ben. Et donc... À sa mort, Marie, sa servante, hérite du domaine. Donc Marie d'Hernano, sûrement amoureuse, on leur prête une relation, ça n'a jamais été prouvé. En attendant, elle était hyper fidèle, dévouée, voilà, c'est exactement le mot. Et le domaine entier se vend à un certain dénommé Noël Corbu, qui lui-même décède en 1953, sans avoir jamais soufflé mot de quoi que ce soit, et surtout, il n'a rien trouvé, en fin de compte. Donc, la légende de Rennes Neuchâteau ne cesse au fil des années de s'amplifier, et par contre, voire à un niveau mondial. Donc, j'y suis allé plusieurs fois, un 15 août, et là, vous avez carrément une réunion du centre du CNRS. D'accord. Et un représentant du Vatican. Wow. Qui est là pour taire les éventualités... De pacte avec le diable. Je sais pas. Voilà. En attendant, c'est là. Il y a Nassos. Hein, et il y a les gens pour faire taire et il y a les gens pour faire connaître. C'est sûr. Voilà. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est ce climat très mystique dès que vous y allez. Naturellement, l'endroit est assez exploité. On exploite naturellement son mysticisme, mais en même temps, la nuit, moi j'aimais bien y aller la nuit parce que c'était pas loin de l'hôtel. C'est vraiment bizarre. Il faisait tellement chaud. Vous aviez des orages électriques. Oui. Le ciel s'illuminait de zébrures d'éclairs. On se dit, ça va tomber, ça tombe pas. Mais sans bruit, oui. Ouais, et vous êtes, vous, dans une tour abandonnée, au milieu de la nuit, un clair de lune, si on n'a pas la chance d'avoir la pleine lune. Et on se demande qu'est-ce qui va apparaître derrière le premier buisson. C'est sûr. Les criquets sont tus. Et il y a un petit restaurant où on allait, ça s'appelle Dans le jardin de l'ancienne villa du curé de Rennes-le-Château. D'accord. Et ce jardin était rempli, c'est vraiment bizarre, était rempli de figuiers. D'accord. Et on mangeait à l'ombre des figuiers. Imagine donc. Ouais, c'était impressionnant. Et alors, donc, on prête à ce trésor plusieurs possibilités. Alors là, c'est vraiment des recherches. Mais voilà, on va à Rennes-le-Château, on n'a toujours pas trouvé la vérité. Oui. Donc, il y a un certain moment, dans les années 60, il y avait tellement de chercheurs. Bon, il n'existait pas encore les poêles à frire, le trésor. Oui, oui. Hein. On y allait carrément, avec certains, à la dynamite. Oula. Ce qui a mis en danger certains édifices de l'endroit, oui. Et donc, on prête à ce trésor, donc une des références, ça serait le trésor de Jérusalem qui aurait été pillé par les Romains et qui l'aurait emmené, à Rome. Mais Rome a été envahie aussi par les Visigoths en 410 et les Visigoths occupaient l'endroit de Rennes-le-Château, dont aurait pillé Rome et aura emmené ce fameux trésor. Eh ben, on dit que c'est le trésor de Jérusalem. Donc le trésor de Jérusalem, c'est quand même la Ménorah, c'est l'Arche d'Alliance, c'est le Saint Graal, c'est quand même des choses qui font rêver beaucoup de gens, qui mènent même des vies mystiques. Et on termine notre vie souvent avec beaucoup plus de questions que de réponses. C'est vrai. Et rien que le fameux chandelier de la menorah, à cette branche, on le décrit fait d'or pur et pesant 34 kilos d'or. Oula, voilà. Ah oui, ouais. En effet. Et puis, l'abbé Saunière pouvait ignorer aussi un certain dialectique qui était celtique. Et il a dû se faire aider par trois autres prêtres. Et chaque fois qu'il s'adressait à un prêtre qui était assez érudit, ces prêtres-là se faisaient assassiner. Ouh. Ouais, on a eu deux à Coustanza, exactement. Et le prêtre de Alette-les-Bains, en voulant l'aider, en voulant décrypter les parchemins, se sont fait assassiner. Donc on parle aussi d'une d'une congrégation mystérieuse qui empêche la révélation d'un secret. D'un secret. Et puis là-dessus, on peut aussi terminer en disant que Notre-Dame de la Baume, je crois, est arrivée Marie-Madeleine. D'accord. Donc Marie-Madeleine, après, après la crucifixion de Christ, est venue terminer ses jours dans la même région. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Même sur les origines christiques, qui remettraient aussi donc, les origines dynastiques de beaucoup de familles régnantes actuelles. Eh bien. Alors, on dit aussi qu'il y avait eu un trafic de messes. Mais on a fait le calcul, parce que vous savez, à l'époque, on donnait des subsides à un prêtre quand on perdait un être cher, oui, pour avoir des messes où on n'était pas forcément présent, mais on lui donnait de quoi faire les messes pour deux ans. Et puis, en fin de compte, il s'est retrouvé avec des milliers de messes à donner, mais qu'il devait donner physiquement. Oui. Et après ses calculs, après ses livres de comptes, physiquement, il n'était pas capable de donner ses messes. Alors, on dit trafic de messes, donc enrichissement. Mais bon, vu toutes ces constructions assez mégalo, ça ne correspond pas, quoi. Il y a vraiment une richesse qui n'a jamais été trouvée et qui fait toujours le mystère de Rennes-le-Château. Et oui. Voilà. Incroyable histoire. Donc je vous conseille d'aller visiter ce fameux endroit à Rennes-le-Château, juin, juillet, août. Aller à Alette-les-Bains. Alors l'Alette-les-Bains, c'est super parce que c'est aussi où est né quelqu'un que vous connaissez très bien. Ah bon ? Oui, il s'appelle Michel de Notre-Dame. Ah d'accord. Vous le connaissez, non ? Non. Eh bien, c'est Nostradamus. Ah ! Voilà. D'accord. Il habitait juste en dessous. Oh là ! Oui. Alors, on est dans un endroit où on a l'impression de jouer avec le diable. C'est ça. Ou alors, on va essayer de se faire protéger par les cathares. Voilà, il y a plein de choses. C'est magique. C'est une histoire, oui. Ouais, c'est superbe. Donc, moi, je vous conseille simplement. Alors, se renseigner un peu sur le catharisme aussi pour savoir, et puis ce serait super, je trouve, ce serait une très bonne philosophie actuelle. En plus, les magnifiques châteaux cathares, donc munissez-vous de vos chaussures de marche, sac à dos, et faites attention. Oui, gourde. Et puis, cette magie dans cet hôtel de l'évêché, qui était l'ancien évêché d'Alette-les-Bains, où vous vivez individuellement dans des chambres d'anciens séminaristes. Oui. Vous mangez avec les autres et vous rencontrez des gens assez mystiques. D'accord. Vraiment mystiques. Hein. Ah ouais. Je pourrais faire un sujet, j'ai rencontré des gens... incroyables. Incroyables physiquement, par leur comportement, par leur sujet de conversation. Et tout ça, on se retrouve le soir en dessous des gros marronniers de l'évêché, en train de manger un cassoulet. Ah, il y a aussi la... Comment ? ça s'appelle une sorte de champagne, là. Blanquette de Limoux, un truc comme ah, ça. Ah là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et puis un gâteau, le gâteau de Limoux, qui est très très bon aussi. Et puis parcourir aussi toutes les venelles et les rues de Alette-les-Bains, parce que tout est sculpté en colombage. Ah oui. Vous avez des petites sculptures, des gargouilles. D'accord. Des gargouilles, mais en bois, sculptées, moyenâgeuses. C'est superbe aussi. Tout est resté... Tout a été bien restauré. D'accord. Naturellement, il y a eu, comme partout, la peste qui est passée par là, les guerres. Par contre, c'est un climat assez aride. Hein. Donc, Il y a des... J'y suis allé plusieurs années. Il y a eu une année où c'était vraiment sécheresse. Beaucoup de platanes, puisque les platanes subissent assez facilement la sécheresse. Et par contre, vous trouvez souvent des chemins rocailleux, pleins de poussière, des gens qui ne parlent pas, qui font la gueule, qui en ont marre d'être envahis par les touristes, des inquisiteurs que nous sommes. Ouais. Voilà. Et puis l'église. Alors l'église, le fameux bénitier du diable a été malheureusement vandalisé il y a 2 ans. Oui. Par une personne de religion extrémiste musulmane. D'accord. Donc là, il est en restauration. D'accord. Après, dans l'église, vous avez un parcours à faire de numérologie. Et ensuite, vous devez compter les arcades, les arcatures. Vous devez compter, retrouver certains saints. Et là, il y a vraiment, je ne vous en dirai pas plus, chacun sa quête. Mais là, il y a vraiment un décryptage numérologique, architectural. Et là, on vient de découvrir, justement, avec les fameuses poêles à frire, qu'en dessous de l'église, il y aurait une crypte mérovingienne. Waouh. Ouais. Et le fameux curé, il allait même la nuit déterrer les tombes. Ouf. Ouais. Et il a buriné toute une tombe qui disait trop de choses, une ancienne aristocrate, la comtesse de Hauteloup. D'accord. Et quand vous rentrez dans ce cimetière... C'est une tête de mort qui vous accueille. C'est sympa. C'est sympa. C'est magnifique. Vous avez vraiment un endroit. Bon, après, il faut se protéger de la chaleur la journée. Vous pouvez faire des balades à cheval. Mais en même temps, vous pouvez aller à Carcassonne. Bon, moi, ce n'est pas mon truc parce qu'il y a trop de monde pour moi. Oui. Ça, moi, je préfère visiter ce genre de ville plutôt en hiver. Oui. Janvier, février, c'est dur ici. Donc moi, je parcours la France plutôt dans mes abbayes. Je vous parlerai des autres abbayes que j'ai visitées, comme la Lucerne d'Outre-mer en Bretagne, qui est aussi un site privé qui a été sauvé aussi par un curé. Et c'est sa famille qui a repris la restauration. Et ben, dis donc. Construite avec les mêmes pierres que le Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire les pierres de la carrière de l'île de Chaussée. Qui est juste en face. Quoi, ouais. Eh ben dis donc. J'ai plein de choses dans mes fichiers. Ah bah oui. Et je crois qu'on devait faire une émission courte. Bah oui, c'est ça. En fin de compte, on fait l'heure entière. Eh ben c'est parfait. Mais en fin de compte, la Bessonnière, vous pouvez trouver, il y a eu quand même plus de 200 livres qui ont été inspirés par la découverte de la Bessonnière. Des versions très influençables, mais comme des versions très neutres. Et là, vous pouvez faire votre opinion. Quoi. Oui. C'est de l'ésotérisme pur, c'est du mysticisme, mais il y a aussi une base de catharisme qui est très, très, très... Moi, je vous conseille vraiment d'étudier un peu le catharisme, parce que c'est la philosophie de la paix du Moyen-Âge, éradiquée par le catholicisme. Mmh. Malheureusement, comme les Templiers par la suite. Voilà. Moi, je voulais aussi vous remercier. Et puis, je voulais aussi encore remercier tous ces gens qui sont venus me voir au Fort du Parmont, qui attendent avec impatience la suite de l'abbaye sans armes. Oui. Donc, qui sort, et je le redis, je suis dessus, mais il y a plein de choses qui m'arrivent de bonnes en ce moment. Ah ben, c'est bien. Et donc, l'abbaye sans armes, tome 2, sort pour Noël. Donc vous pouvez me trouver chez moi, à Plombières-les-Bains notamment, mais il va être distribué parce que là je suis un peu dépassé. Et donc j'ai signé avec une maison d'édition qui va m'aider pour éviter tous les problèmes d'imprimerie, de collage logistique. Et tout ça, logistique. Oui. Ouais. Et puis là j'écris La Baisse du Diable, donc je le redis, La Baisse du Diable, je suis en plein procès de sorcellerie dans le Val d'Ajol. D'accord. Donc là je vais visiter, j'ai rencontré Michael, le forgeron du Fort du Parmont. D'accord. Des gens extraordinaires, franchement, des rencontres superbes, c'est ça les dédicaces. Eh oui. Et un partage, et donc La Baisse du Diable, bah, ça va être pas mal aussi. Bah, on a hâte de lire ça. Je vous embrasse, Lia. Bah, moi aussi, je vous embrasse, Alain. À bientôt. À très bientôt. Et puis, je vais fouiller mes fichiers. Eh bien, on vous attend. À la prochaine émission. À la prochaine émission. Merci beaucoup. C'était Alain Saintot pour les coulisses de l'Insolite. À tous nos auditeurs, eh bien, restez bien sur nos ondes. La suite du programme continue. Merci encore à Alain et à très, très bientôt. Au revoir.